بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة الشمس سورة الشمس للسولي في المسألة 29 بعد المئتين 129 مسألة في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها والسولي dit et que celui qui a créé en elle sa perversion et sa piété verset 8. Donc ça, c'est une masala qui va revenir encore à masala de la mashiyah d'Allah Azzawajal par rapport au destin et autres. « Qala yadullu ala anna allaha wallazi yaj'alu al-fujur wa taqwa fil kalb. Wa qad ja'at ayatun tadullu ala anna fujur al-abd wa taqwahu bi-ikhtiyarihi wa mashiyatihi. Ka qawlihi ta'ala, fastahabbu al-ama ala al-huda. Wa qawlihi ta'ala, ishtarau dhalalata bil-huda. Wa nahu dhalika. » Donc ce verset nous prouve que c'est Allah, c'est lui qui met la perversion et la piété dans le cœur du serviteur. Et d'autres versets sont venus nous montrer qu'en fait, ces choses-là, c'est le serviteur qui les choisit lui-même. Et cela par sa volonté. Comme dans le sens où Allah dit qu'ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Fussilat, le détaillé, verset 17. Et ça part dans le sens où il dit qu'ils ont acheté l'égarement contre la guider. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé la guider, ils ont préféré l'égarement. Al-Baqara, verset 17 et verset 157. Et autres parmi les versets qui y ressemblent. Qala wa dil masalatu yallati dalla fiha al-qadariyya wa jibriyya. Ou al-jibriyya. Donc cette masala, c'est laquelle dans laquelle sont égarés les qadariyya, les gens qui refusent le destin, et les jibriyya, qui sont une branche des qadariyya. Et les qadariyya sont de différentes sortes. Parmi ceux qui ont été rendus mécréants, ceux qui disent que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent, par exemple. Eux, ils sont des mécréants. Et après, il y a différentes sortes de qadariyya. Qala. أما القدرية فظلوا بالتفريط حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله تعالى. Donc les قدرية eux, ils ont dévié dans le sens que ils ont prétendu que le abd lui-même crée ses propres actions indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Que Allah n'a aucune part dans ce que le serviteur fait. أما الجبرية فضلوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. Et les Jibriya, eux, ce sont ceux qui ont dit que le abd n'est pas, on ne peut lui faire aucun reproche, car ce qu'il fait, il est contraint de le faire. Ce n'est pas de lui-même qui le fait. Donc ça, ce sont les deux extrêmes dans la mas'ala, dans le sujet, les sectes, les deux extrêmes sectes dans ce sujet-là. قال وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا فَأَذْبَتُوا لِلْعَبْدِ أَفْعَالًا اِخْتِيَارِيَّةً. Donc les gens de la sunna, eux, ils n'ont ni exagéré, ni été négligents sur ce point-là. Et ils ont affirmé pour le serviteur des actes qu'il fait de son propre gré. Et il cita, je traduis directement pour écouter le ders, qu'il est connu, et cela par darura en nous, par une chose évidente, qu'on arrive à différencier entre les actes que l'on fait délibérément et les actes que l'on fait malgré nous. Et قال واثبت ان الله خالق كل شيء وهو خالق العبد وخالق قدرته وارادته وتاثير قدره العبد لا يكون الا بمشيئه الله تعالى. Et que les gens de la sunna affirment que Allah a créé toute chose. Donc il a créé le serviteur, il a créé sa capacité, il a créé sa volonté, et que ce que le serviteur fait comme acte, cela ne peut avoir lieu que si Allah l'a voulu. D'accord ? Ce que le abd fait ne peut avoir lieu, car si jamais on dirait que le abd a fait cela et que Allah ne l'a pas voulu, cela veut dire que Allah ne l'a pas voulu dans le sens quoi ? Kouni, universel, c'est-à-dire qu'une chose qu'Allah ne veut pas qu'il soit, qu'il devrait être, n'a pas été. Et on a déjà expliqué que la mashiyah d'Allah, elle est de deux catégories, celle qui est kouniya, qui est universelle, celle de l'être, de la création, celle qui est shari'iya, qui est liée à la législation, et pour celui qui veut retrouver le tafsil, c'est mafkou dans les doulous, il y en a déjà cité précédemment. قال فالعبد وجميع افعاله بمشيئه الله تعالى مع ان العبد يفعل اختيارا بقدرته والاراده اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. Donc tout ce que fait le serviteur, il le fait par sa volonté, c'est-à-dire par la volonté d'Allah Azza wa Jal, alors que malgré cela le serviteur le fait de son propre choix et de sa propre capacité, de sa propre volonté à lui également. Et celles-ci ont été créées par Allah en lui. Donc ce choix qu'il fera, soit il en sera récompensé s'il est bon, ou soit il en sera punit s'il est mauvais, si Allah le décide. قال ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل وإني لابد أن تنفذ في مشيته وإرادته على قول العلم الأزلي فأنا مجبور فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه. Donc il dit maintenant, si nous devions, imaginer qu'il y aurait un débat entre un Jabri et un Sunni. Le Jabri dirait quoi ? Mon argument contre mon Seigneur, c'est de dire que je ne suis pas indépendant de mes je ne suis pas indépendant par rapport à mes actes. D'accord ? Je ne suis pas indépendant par rapport à mes actes. Et qu'il est obligatoire qu'il s'applique en moi ce que Allah a voulu. Ce que Allah a voulu est obligé de s'appliquer en moi. Et que cela corresponde avec sa science de toujours, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va se passer. Donc je suis contraint de faire cela, ce n'est pas moi qui ai voulu le faire. Donc comment peut-il me punir sur une chose dont je ne peux me débarrasser, c'est-à-dire que je suis obligé de faire ce que lui veut que je fasse. قَالَ فَإِنَّ سُنِّيَ يَقُلْ لَهُ كُلَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي أَعْطَاهَا لِلْمُهْتَدِينَ أَعْطَاهَا لَكَ وَجَعَلَكَ سَمْعًا تَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرًا تُبْصِرُ بِهِ وَعَقْلًا تَعْقِلُ بِهِ وَأَرْسَلَ لَكَ رَسُولًا وَجَعَلَكَ اخْتِيَارًا وَقُدْرَةً لَمْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا التَّوْفِيقُ وَهُوَ مِلْكُهُ الْمَحْضُ إِنْ أَعْطَاهُ فَفَضْلٌ وَإِنْ مَنَعَهُ فَعَدْلٌ كَمَا أَشَارَ لَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ. Donc le sunni lui dirait quoi ? Que toutes les causes que Allah a données pour être guidé, celui qui était guidé, Allah te les a données à toi également. Il t'a donné une ouïe, il t'a donné une vue par laquelle tu vois, il t'a donné une raison par laquelle tu réfléchis, il t'a envoyé un messager, il t'a laissé la libre choix, il t'a laissé la capacité de pouvoir agir. Il ne te reste rien après cela à part le tawfiq que Allah peut accorder. Et ce tawfiq, cela est sa possession à lui, purement, ça ne revient qu'à lui. S'il te le donne, c'est une grâce. Si jamais tu ne le donnes pas, c'est de la justice de sa part. Comme Allah l'indiquait dans sa parole dans laquelle il dit, c'est à Allah qu'appartient l'argument décisif. Et s'il voulait, il vous aurait tous guidés. قال يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق. فمن أعطيه ففضل ومن منع فعدل. C'est-à-dire que le fait qu'il possède le tawfiq, le succès accordé aux gens, cela est un argument sur la création. S'il le donne, c'est une grâce, et s'il l'interdit, c'est par justice. C'est-à-dire que les gens savent que c'est Allah Azzawajal qui va te faire réussir ou pas. Donc, les gens quand ils disent Allah n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'ils savent que Allah, si le tawfiq revient à Allah Azzawajal. Donc cela est un argument contre toi. C'est-à-dire que tu sais qu'à la base Allah veut que tu fasses cela. D'accord ? Et tu sais qu'en réalité, tout ce que tu feras ne pourra avoir lieu qu'avec sa mashia, avec un niya universel. Donc, si tu sais cela, tu sais ce qui te reste à faire normalement, à la base. Donc si les gens refusent, l'argument leur a été exposé. La preuve leur a été donnée, donc après ils seront blâmables pour le choix qu'ils auront fait. ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةً. Après c'était un débat qui a eu lieu entre Abu Ishaq, l'Israfa'ini et Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Abdul Jabbar il a dit quoi ? سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهْ عَنِ الْفَحْشَةِ. Il dit que gloire à celui qui est purifié de toute turpitude. Et lui veut par cela, il veut dire par cela les ma'asi, car le fait de voler, la fornication, d'accord ? Que cela a lieu par la volonté du Seigneur, du serviteur, en dehors de celui du Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui fornique et qui vole et tout cela, le fait de lui-même et que Allah ne l'a pas voulu. D'accord ? Et lui vise par là la mashia, volonté universelle. À mashia, c'est clair que Allah ne l'a pas voulu. Quand on est qu'à Allah, il dit qu'Allah est plus haut, bien sûr, et plus grand, et plus beau que le fait de vouloir cela comme turpitude. Abu Ishaq lui a dit que tu as dit une parole vraie, mais tu veux par cela le faux. Après, il a dit Subhana man la yakor fi mulkihi illa ma sha. Gloire à celui dont il n'a lieu dans son royaume que ce qu'il veut. Abdul Jabbar lui dit أتراه يخلقه ويعاقبني عليه. Il dit, vois-tu que Allah crée cela en moi et après il me punit pour cela? Abu Ishaq lui dit أتراك تفعله جبرا عليه أنت رب وهو العبد. Il dit, vois-tu que tu fais les choses D'accord ? En le contraignant lui, c'est-à-dire que c'est toi le seigneur, c'est lui le serviteur, c'est-à-dire que tu vas faire une chose que lui ne veut pas. Donc c'est toi qui décides et c'est lui qui te suit. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بردى أتراه أحسن إلي أم أساء. Il dit, vois-tu si jamais Allah m'appelle à la guider et mais qu'il décrète pour moi que je serai dans l'égarement. Est-ce que tu vois qu'il a été bienfaisant envers moi ou qu'il a été malfaisant? Abu Ishaq lui répond en disant, إن كان الذي منعك به ملكا لك فقد أساء وإن كان له فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبوهيته عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. Donc Abu Ishaq lui a répondu tout simplement, il lui a dit, si jamais la chose qui t'a empêché d'avoir est ton droit et ta possession, alors elle aurait été malfaisante envers toi. Si jamais cette chose-là lui appartient à lui et qui te la donne, alors cela est une grâce de sa part. Et si jamais il ne te la donne pas, cela est une justice de sa part, car cela ne te revient pas à toi. Et de là, Abu Jabbar n'a pu répondre. Et les gens ont dit, khlas, lui n'a plus de jawab, il n'a plus de réponse à donner. C'est-à-dire il a tort. Donc ça c'est une réponse qui est claire. Que cela revient à Allah Azzawajal. Allah t'a donné les arguments pour te dire ce que tu sais ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas voulu le faire. Et si jamais tu sais qu'Allah accorde le tawfiq, ben c'est à toi de faire les courses pour qu'Allah t'accorde le tawfiq. Et ne pas se justifier par le qadar. Après, c'est une autre histoire. Il dit qu'il y a un arabi, un bédouin qui est venu à Amr ibn Ubaid. Faqala lahu, ud'u Allah li an yarudda alayya himaratan suriqat minni. Dit, invoque Allah pour qu'il me rende une ânesse qui m'a été volée. فقال يعني عمر بن عبيد اللهم ان جمالته ان جمالته سرقت ولم تريد سرقتها فردها عليه. Il dit, oh Allah, l'ânesse de cet homme a été volée, tu n'as pas voulu qu'elle soit volée, alors rends-lui, renvoie-la vers lui. Donc le bédouin lui dit, يا هذا كف عني دعاك الخبيث ان كانت سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا يترد. Et dit ton, le bédouin lui dit, gars, ton invocation qui ne sert à rien, ton invocation mauvaise, car si jamais elle a été volée et qu'il n'a pas voulu qu'elle ait été volée, il se peut qu'il veuille qu'elle me revienne, mais qu'elle ne revienne pas non plus. Donc ça ne me sert à rien ton dua. D'accord, si elle a été volée et qu'elle n'a pas voulu qu'elle ait été volée, il s'est passé une chose qu'il n'a pas voulu malgré lui, ben si jamais il veut me la renvoyer également, il se peut qu'elle ne revienne pas alors que lui le veut. Donc ton doigt ne sert à rien du tout. Donc là, ce sont les réponses données par rapport à cette mas'ala, par rapport à l'auteur. ثم قال وأما لقول من فسرها الآية الكريمة بأن معنى فلهامها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر فلا إشكال في الآية فبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء. Et d'autres, ils ont pu expliquer ce verset là, donc le verset que Allah a mis dans le nefs sa perversion et sa taqwa, dans le fait qu'il lui a mis en lui la voie qui guide vers le bien et la voie qui guide vers le mal. Et dans, par ce tafsir-là, il n'y a pas de problème par rapport au verset. Naam. Bihadha qadri naktafi, walhamdu rabbil alamin.